Bimboma, grand 3 Chitenge, Thierry Diawa, mon colonel Moukou Mazadio, les fils de Dieu, double XL, aigle royal. Mateka Maninga, Nicolo ya Monsolo, Mazaba Bumate, Mototi Angana. Olivier Imono, Mateka Baninga, Nicolo ya Monsolo, Depi Tombudi, Saba Kumate, Motoki Anganae, Mingi Makoma Bikota Kota Nitema Mate, Jojo Mandiki Mapata, Sile Loba Susu Mapongwani, Banganzambe, Bemi Beko na Ye, Gana Meshe na Paris, Asomba Bavila, Batonda na Monsolo, Latino Collet, Cosa Cosa Beninga Mingi Bacomane Tube, Massangele Cacabango Mingi Bacoma Isole, Tubela Masumu, Tobongo la Mite Maye, Jean Placide Bazi. Maestro Cabaninga, Yadilumona, Solo, Mingi Bacota na Makala, Benate a Mabeleo. Batima Jean-Cyle Presse m'a dit l'eau Mingi va kele la lelo va koma na sise Mote ki makala lelo va koma na minuma Magali m'a dit l'eau Atakale ngay pe na posua Magi Momo Feli Fati Dede Mupasa Mode Pas Amanda m'a dit l'eau Rupa Rupa mon anzambe Mbale Mama Claudine de Teresa Bodice Mama Kasai Yanganini na wela na mokili pola Monsolo Enfant Letiz Madilou Mingi bakele la poninyo Jeanette Madilou Mingi bakele la lelo bakoma na sise Mote ki makala Lelo akoma na minuka Jezone Madilou Matakale Maipe na kosua Na kosa la makasi lokola papa bibi Jello Kemba, Petit Abia, Salon d'Or, David Monceau. Jugez-moi en Zambie et causez-la. Maïmona se barre. tristesse. La vie est mal cousue les aliralite. Oya koko maliboso bongo ba pesa ye kado. Lelo ya Pascal Kakese lobi kuna ya Vince Masaki. Koko Vital Makengo de Londres. Nalela kapie yanga ye. Natuna Jacques Rogero Mushinga. Talaka mapata ya we.